Par un bel après-midi de ciel bleu et de brise tiède, Sidi Tartri à califourchon sur sa mule revenait tout seulé de son petit clos. Tout à coup, en entrant dans la ville, un appel formidable le réveilla. « Eh, monstre de sort! On irait monsieur Tartarin !» À ce nom de Tartarin, à cet accent joyeusement méridional, le Tarasconnais leva la tête et aperçut, à deux pas de lui, la brave figure tannée de maître Barbassou, le capitaine du Zouave, qui prenait l'absinthe en fumant sa pipe sur la porte de l'un petit café. « Eh, adieu, Barbassou !» fit Tartarin en arrêtant sa mule. Au lieu de lui répondre, Barbassou le regarda un moment avec de grands yeux. Puis, le voilà parti à rire tellement que Sidi Tartri en resta tout interloqué, le derrière sur ses pastèques. « Qu'est turban, mon pauvre monsieur Tartarin ! C'est donc vrai ce qu'on dit, que vous êtes fêteur ! Et la petite Baya, est-ce qu'elle chante toujours Marco la Belle ?»« Marco la Belle ?» fit Tartarin indigné. « Apprenez, capitaine, que la personne dont vous parlez est une honnête fille mort, et qu'elle ne sait pas un mot de français. »« Baya, pas un mot de français ? D'où sortez-vous donc ?» Et le brave capitaine se remit à rire plus fort. Puis, voyant la mine du pauvre Sidi Tartri qui s'allongeait, il se ravisa. « Au fait, ce ne peut pas la même. Mettons que j'ai confondu. Seulement, voyez-vous, monsieur Tartarin, vous ferez tout de même bien de vous méfier des mauresques algériennes et des princes du Monténégro. À propos, collègue, j'ai là du bon tabac de France. Si vous en voulez emporter quelques pipes, prenez donc, ça vous fera du bien. Ce sont vos sacrés tabacs d'Orient qui vous barbouillent les idées. » Là-dessus, le capitaine retourna à son absinthe et Tartarin, tout pensif, reprit au petit galop le chemin de sa maisonnette. Bien que sa grande âme se refusât à rien en croire, les insinuations de Barbassou l'avaient attristé. Au logis, il ne trouva personne. Baya était au bain.